Exercice 6, page 144. A. Est-ce qu'il pique ? B. Est-ce qu'il se manque ? C. Est-ce qu'il se critique ? D. Est-ce qu'il blague ? E. Est-ce qu'il dialogue ? F. Est-ce qu'il se fatigue ?